Le journal d'Internet sud-coréen La Voix du Peuple a critiqué dans son éditorial en date du 29 décembre de l'année dernière la campagne des autorités visant à accuser les gens de dépendance au Nord, en indiquant que c'est la méthode de domination du pouvoir de Park Geun-hye et l'arme la plus tranchante pour supprimer ses opposants.